Et Zacharie dit : Ô mon Seigneur, comment aurai-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse ?